Aïe, sont des halls. Ademo, NOS, Moraki, RKM, Indécis, DA2SO, 949178, Rome. Pour qui ça envoie du bloc, c'est la dèche. Voile New York, tu manges des pêches. Cette sont des hauts, c'est trop technique, sois pas con. RKM, viens traumatiser les zones, ressort de l'ombre. Je propose et dans les studios, viens t'assumer. N'oublie surtout pas, 2008, le rap est à nous, même si la tête annonce à cause des MC. Kills, Brawl, sur Soprano, c'est pour les frères qui lâchent le terrain. Juste pour pisser mon choix, c'est un. Passe-moi ton briquet, puis moi ça crie, briquet. Je reviens allumer la foule, représenter mes fous, maintenant t'es prévu. Si tu me vois, c'est pour les sous, j'ai trop de soucis. J'pisse pour enlever cette odeur de roussi. Gagarine, tarterai, 9-1-9-4, ça, j'tarterai avec quelques têtes. Pour les mecs des terres, pour les frères des têtes. On vit dans des ghettos, c'est pour ça que c'est la haine. Banlieue ouest pour le speech. Qui peut te mettre la fiche, test motherfucking dick, petite bitch. Y'a pas de best mec, encore moins de king dans ma street. Tu te la pètes, t'es qu'une motherfucking pute de ma street. J'en dispatch le virus, nous scotch sur les bouches et dispatch le hashish. Même en russe, déclare nous, j'rode à guiche. On leur met une taille de scotch dans l'anus. Une tarte dans la bouche, d'arceau la bombe dans la ruche. Bombe, si tu crois que tu rates mieux que nous, sors ma bûche. Ça c'est style de caboche qui te braque sans capuche. Clé sous pan, ta moche, au sun, crame la cruche. Et qu'est-ce qu'il y a dans les poches? Des slashs y agrabuge. Forcément c'est pas de farce de main pour tout péter. On rappe seulement c'est gras, des rapons seulement pété. Grosse dédicace à cap, un de mes fraps qui se fait péter. Je reviens frapper sur la table, mon rap pointe les tables et la maquette. Alors qu'il laisse n'est plus sur les meilleurs que les majors investissent. Je rappe intensément perfide pour les faux qui se travestissent. Mon place c'est indécis, je vais remettre les pendules à l'heure. Faire taire tous les amateurs, agresser mes détracteurs. On est vertu de la rue alors que celle-ci nous décime. Comme j'avance sans savoir ce à quoi le ciel me prédestine. Prêcheur d'arabe conscient, j'ai l'écriture qui fascine. À l'heure où les faux MC abusent de la rime facile. TZ musique, on a la frappe de Mike décisive. Ademo sont des halls, écartez-vous mon flow récidive. Que dire des têtes d'affiches qui passent leur temps à sucer. Leurs propos comme leur valeur s'estompent sous le poids du succès. J'ai la rime démoniaque, petit appelle-moi Belzébuth. Mes auditeurs je persécute, écris mon mic je perpétue. Au vu de mon cesse, tu perçois le degré d'implication. Moi c'est comme ça que j'honore une putain d'invitation. Je veux du lourd, mais mets-toi bien, je veux mon zbou, mais mets-toi bien. ZZZZZ, ça te pète les os. Le son qui je ne te fais pas de promesses. On a un pied dans la tombe et l'autre sur une savonnette. On va grailler seulement si Dieu le veut. La farce fout le feu. On est antifautique comme un muslim qui joue le feu. Le son des halls c'est la hurle dans ton papa pop. Barbu dans leur papa pop. La nico papa pop. Et les gosses mais les gants découpent ta dépouille devant le micro. J'ai serré une coffre trop mise sur Al-Qaïda dans le comico. Marraine la flashball sous la robe mais sa mère elle est fraîche. Elle nous a foutu la gueule, c'est ce soir qu'on la baisse. Black pas c'est pas nard, black pas tu banaves. En 2008, 8 font l'équipe qui peut équiper. Mixtape sont des halls, attends-toi là-bas en haut. Parle pas c'est pour mon pote, 91 à des mots. J'rappe pour ceux qui baissent pas leur fut. Que si froid, non pas ceux qui se mettent mais des flûtes. C'est quête, quête, ta gueule. Appelle-moi le chiffre C4, le réel récal, fricale tes mots. Le mec casse les bombes, check à tes mots. J'suis qui moi, mais qui m'appelle, elle a servi à l'appel. Si le rap est mort, c'est qu'à mes mains au bout de sa pelle. Y'a trop de PDP, des gros, j'mettais mes des gros doigts au petit dit. Et on fait des fédéraux, le son des all, et nique les polos. Allez, j'vise les molaires, balais les folles. Y'a que des malades qui m'épaulent. Maintenant, c'est qui fait les bails, les gousses qui fait mes packs. J'ai tout scié pour tout piller, là pour crier les packs. J'ai pris la page, les cons de la panne qui font de la flamme. Les Bonaparte, j'ai pas d'appart, tu fonds ma cave. Le beat est pute, t'es bad, nique tes putes, tes potes. C'est brut, chine, c'est le but. J'fais pas la piste, t'es qu'une pétale. J'suis un changeable, irrécupérable comme des nostalgies. Pardonne mal quand j'sais que pour y écraser des petites filles tapines. Si le rap est mort, c'est qu'à mes mains au bout de sa pelle. Y'a trop de PDP, des gros. J'mettais mes des gros doigts au petit dit. Et on fait des fédéraux. Le son des all, et nique les polos. Allez, j'vise les molaires, balais les folles. Y'a que des malades qui m'épaulent. Maintenant, c'est qui fait les bails. Les gousses qui fait mes packs. J'ai tout scié pour tout piller là pour crier les packs. J'ai pris la page, les cons de la panne qui font de la flamme. Les Bonaparte, j'ai pas d'appart, tu fonds de ma casse. Le beat est pute, t'es bad, nique tes putes, tes potes. C'est brut, chine, c'est le but. Fais pas la piste, t'es qu'une pétale. J'suis un changeable, irrécupérable comme des nostalgies. Pardonne mal quand je sais que pour y écraser des petites filles tapines.